Non. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme après avoir récupéré la création? Ou bien non, la différence. Quelle est la différence entre l'homme puis ce qui a créé la création? L'homme ou l'âme? L'homme. L'homme. Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme une fois qu'il a rassemblé la création? L'homme tel que tu le conçois n'existait plus. Tel que les théologies essaient de le concevoir, ça n'existait plus non plus. Et tel qu'il est réellement, ben, c'est l'homme qui est resté. Une partie d'intentionnalité absolument pure, qui n'a pas besoin de raison ou de conditions, qui ne vit pas dans un écosystème particulier. Et encore une fois, la majorité de tous les mots qui existent dans le langage français ne serviraient pas à additionner ensemble, mais encore bien mélangés, pour arriver à former des concepts suffisamment solides pour supporter ce qui est arrivé à l'homme après. Mais disons que dans le terme spirituel, c'est très bien, très beau, très parfait. Okay. Et puis la différence entre l'homme et puis ce qui a créé la création, ou même si chose, l'homme, même chose, l'homme a participé à créer la création? Chose. Même chose. Pendant sa période involutionnaire, est-ce que l'homme avait la notion du futur? Non. Le futur est-il la mémoire énergétique de notre retour au point source? Le futur, c'est notre passé, si l'on veut, coloré par certaines conditions nouvelles, en l'occurrence, les mémoires accomplies, les mémoires enregistrées à travers la découverte du futur. Voyez-vous, le futur, c'est simplement le passé vu d'un autre angle. Étant donné que l'être humain, lorsqu'il a été fusé, est arrivé de plusieurs parties de cette création, et qu'il a subi des refroidissements par paliers, il a laissé dans l'expérience planétaire, dans l'expérience solaire, dans l'expérience galactique, universelle, super-universelle et créationnelle, des traces. Ces traces, mais, ont eu la possibilité de s'intermélanger, de s'être relationnés, et les relations entre ces traces ont engendré des mémoires de relations entre les traces, ce qui engendre d'autres mémoires qui se mélangent à travers les mémoires laissées par l'homme. L'avenir de celui, le futur de celui qui descend, n'est pas approchable. Celui qui n'a jamais été à Québec ne peut pas prévoir ce qui s'en vient. Il ne connaît que son passé. Lorsqu'il a fait le tour de Québec et qu'il revient vers Montréal, regardant le futur, c'est-à-dire son passé, sous un autre angle. Alors maintenant, il connaît les étapes. Alors vous allez à Québec la première fois, vous approchez, puis finalement, vous allez rencontrer Trois-Rivières. Et vous vous dites, je ne sais pas si on est proche. Vous rencontrez Val-Alain, et vous dites, je ne sais pas si on est proche. Et finalement, à Québec, quand vous revenez, vous voyez Val-Alain, et vous dites, ah, il approche. Trois-Rivières, ah, ben là, c'est pas pire. Saint-Hyacinthe, ah, on est quasiment rendu. C'est l'avenir maintenant que vous connaissez. Et vous avez en plus des bornes, des repères dans votre avenir qui ne sont que les bornes que vous avez laissées dans votre passé. L'avenir, c'est le passé de l'homme vu sous un autre angle. Et pourquoi il y a des futurs, un paquet de futurs possibles? Parce qu'il y a eu différentes descentes fusionnelles de l'homme et parce que les expériences mémorielles de ces descentes, en relation entre elles-mêmes, ont engendré d'autres mémoires. Plus nous avançons, plus nous reconnaîtrons le chemin. Pourquoi? Parce que plus nous avançons, plus nous regagnons en vitesse. Et plus nous regagnons en vitesse, plus le paysage ressemble à ce que nous avons vu. Nécessairement, il sera toujours à l'inverse. Mais on reconnaîtra. Bon. Alors l'homme n'avait aucune idée de ce qu'était l'avenir lorsqu'il était en phase d'effusion, de refroidissement, d'involution, de descente, etc. L'onde de forme que tu as adoptée aujourd'hui en conférence fait appel à quelle entité réincarnationnelle? C'est très intéressant. Il faudrait qu'on me pose la question de vive voix. C'est une question à la Jacques Dussault, et puis c'est possiblement le seul qui pourrait arriver à me faire répondre. Mais effectivement, ça fait appel à des entités réincarnationnelles que j'ai digérées. Alors, la personne vise relativement juste. Ce sont des entités qui, pour l'instant, disons, je ne vois pas l'utilité d'en parler, mais c'est bien comme question. Ce trésor caché par l'ordre du temple a-t-il été caché plusieurs fois à travers les âges et redécouvert? C'est bien, franchement, il y a du monde avec ça. Bon. Non. Il n'a sûrement pas comme seul but d'enrichir matériellement, monétairement, ses possesseurs. C'est pourquoi j'ai expliqué que celui qui le découvrira devra au préalable être millionnaire. Donc, ce n'est pas du tout dans le but de l'enrichir, monétairement. Quelles sont donc les intentionnalités de ces écrits cachés dans ce trésor? On va y revenir. C'est récent, mais on va passer le reste ici, là, vite, vite. Bon, Daniel, hier, tu nous as dit d'éviter de rester pris entre deux feux, astral, supramental, et de se créer un égrégore dans le monde de la mort. J'aimerais savoir comment fonctionner avec tout ça. À l'origine, au niveau du PMC, il y avait des actions de PMC que lorsque l'être humain voulait les répéter, il pouvait arriver à augmenter son potentiel mental, réchauffer son mental lorsqu'il prononçait l'action au lieu de le répéter, et finalement arriver à engendrer un égrégore PMC qui permettrait à l'être humain d'avoir dans une structure collective d'évolution, même s'il reste un individu, ils sont un groupe à avancer parallèlement sur le même chemin, à tirer sur la même corde. Cela pourrait permettre à l'individu d'avoir une facilité de mentalisation parce qu'il a affaire à un réservoir d'énergie mentale qui lui permet un survoltage d'énergie lorsqu'il en a besoin. Cela permettrait, lorsque, si cela aurait été convenablement fait, je ne l'ai pas motivé parce que je ne l'ai pas motivé, et l'être humain avance par des hauts et des bas, et en créant ce condensateur astral plein d'énergie mentale, ça permet à l'être humain, lorsqu'il a trop d'énergie, de la léguer à l'égrégore, lorsqu'il en manque, de la prendre de l'égrégore, ce qui lui donne une évolution qui est beaucoup plus atténuée du point de vue des hauts et des bas. Le reste, eh bien, prochainement, je vais reparler, ça fait partie du cours que j'ai donné hier, mais prochainement, on va, entre personnes concernées, travailler sur cette mécanicité. Pourquoi ne prends-tu pas une personne, une à une, et là, par un cours intensif, l'amener directement à un contact réel et continuel avec son intelligence, qu'on en finisse une fois pour toutes avec l'hostie d'ego? La personne qui pose la question serait sans doute une des dernières que je pourrais prendre. Pourquoi? Pour la simple raison que, de toute façon, je vais travailler avec des individus en seul à seul à partir de cet automne. J'ai commencé avec certaines personnes, mais pourquoi je ne fais pas comme ça? Pour la simple raison que l'individu doit être rendu déjà à un niveau d'identification supramentale assez haute pour ne pas devenir totalement coloré par ma présence et par moi. Je pourrais former énormément d'esclaves et ça ne m'intéresse pas. Alors, je préfère encore rester dans une structure où il y a des chefs de groupe ou des professeurs qui donnent une forme d'enseignement au niveau technique, même au niveau ésotérique. De cette façon, l'ego veut pas, même s'il est frustré de ne pas être avec Daniel Kemp, ne peut pas vénérer un maître par-dessus tout parce qu'il est confiné à se rendre compte à la longue que d'autres humains aussi sont capables d'enseigner. Les humains frustrés vont dire, ouais, mais tu sais, ils répètent les mêmes affaires que Daniel Kemp. Tant qu'à l'entendre répéter, j'aimerais autant que ce soit Daniel Kemp. Même là, il y a une nuance majeure du point de vue de l'énergie. L'individu frustré va arriver quand même à s'identifier à lui-même, à se prendre en main, à se rapprocher d'être son seul maître. Et lorsqu'il sera suffisamment capable de me résister, alors là, il pourra travailler, on pourra travailler ensemble, ou voyager ensemble, ou faire des choses ensemble. Sinon, non, sa créativité petite, elle est totalement éteinte lorsque j'arrive. Son intentionnalité disparaît lorsque je me présente. Le moindrement qu'il a une opinion ou une idée, si je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, ah ben là, il est carrément plus d'accord ou non plus avec lui. Non. C'est pourquoi ça doit prendre le temps qu'il faut. L'humain doit être capable de se tenir, de se respecter avant que je puisse travailler en unitaire avec lui. Concernant Orion, tu as dit que la question était mal posée. Qu'est-ce que c'est Orion? La question est encore mal posée. Quel est son rôle cosmique? Ça se rapproche, et que ça me tente donc. Allez, on la met ici, bon, viens ici, oui. Je ne garantis rien, mais en tout cas. Quelle est la différence entre anégoïsation et humilité? L'anégoïsation est la faculté qu'observe le mental lorsque l'ego disparaît. L'humilité est la copie de l'anégoïsation jouée par l'ego. Quelqu'un d'anégoïque est-il automatiquement humble? Quelqu'un d'anégoïque semble automatiquement humble. Il n'est pas humble, il n'a pas d'ego. En ce qui concerne la souffrance, en ce qui me concerne, la souffrance est inhérente au blocage émotionnel et au manque d'intégration mémorielle. Faut-il souffrir jusqu'à une certaine maturité, quel que soit l'âge? Il me semble qu'il y aurait moyen de maturer autrement que par la souffrance d'un enfant que je n'arrive pas à expulser ou à intégrer. Voyez-vous, qu'il vous semble ou non, les choses sont ce qu'elles sont. Et oui, la colère mentale 2, la colère interne, la colère douce, c'est la solution à la personne ici. Et pour arriver à l'appliquer convenablement à l'individu, bon, voyez-vous, je vais vous expliquer une chose. Et on ne peut pas régler ça comme ça. Mais c'est la cause des problèmes. C'est la cause des problèmes de tous ceux qui ont des problèmes, dans ceux qui évoluent. Les autres n'ont pas de problème. Ils chialent, mais ils n'ont pas de problème, ils sont heureux. Bon. On ne pourra pas tout régler. Mais c'est le problème, c'est la cause. C'est que nous sommes... Je dis nous pour faire plaisir aux égaux. Bon, nous sommes... continuellement assujettis aux archétypes évolutionnaires des races. Je reviens encore avec la maudite race nouvelle. Et le fait qu'on ne prenne pas de décision. L'haïtien ne souffre pas comme vous. Parce qu'il n'est pas de votre race. Essayez de le faire souffrir comme vous ne pourrez pas. Il n'est pas de votre race. Le mormon ne souffre pas comme le catholique. Ils ne sont pas de la même race. Et vous, de quelle race êtes-vous? De la race de ceux qui souffraient. De la race de ceux qui doutaient. De la race de ceux qui hésitaient. Archétypalement, vous êtes tous rattachés à une structure évolutionnaire qui passe par la souffrance. Alors, vous avez un pied sur un bateau d'émotions, d'égo, de souffrance et d'astral, un pied sur le bateau de l'intelligence. Et vous avez les crassés absolument tendus à craquer pour empêcher les deux bateaux de s'éloigner l'un de l'autre. On va essayer d'évoluer avec les deux ensemble, comme ça, si on voit qu'on s'est trompé, on aura tout le temps de sauter sur l'autre. Tandis que si on fait un choix immédiatement, il faudra abandonner un des deux bateaux. Mais là, si on s'est trompé, il va être parti l'autre bateau. Mais vous apprendrez à nager, mais faites un choix. Pourquoi il y a un problème présentement? C'est que tous vos archétypes astrales sont reliés à l'évolution normale, conventionnelle, de la race humaine. C'est-à-dire qu'il est absolument normal que vous ne puissiez pas exprimer des choses émotives. Il est absolument normal que vous ayez des blocages psychologiques, que vous ayez des recrudescences, des choses du passé qui viennent vous hanter, que vous supportiez votre karma familial, qui partie de cette race-là, que vous supportiez un karma collectif d'une race qui... dans lequel vous baignez encore. Tout à fait normal. Parce que le choix n'a pas été fait. Oh, je ne dis pas que j'ai bien expliqué qu'on ne réglera pas le problème du coup. En 2-3 ans, on peut le régler. On travaille tout de suite. Présentement, l'humain souffre. Pourquoi? Parce que l'humain est assujetti à une race de souffreurs. À une race qui adore encore des Christ crucifiés sur une croix. À une race qui vénère ceux qui sont morts et qui ont été martyrisés. À l'évolution méritoire de l'ego, l'initiation lunaire. Dans un peuple où il est normal de dire ce qui se passe à l'intérieur, on le dit. Dans un peuple où c'est interdit par la tradition et l'éducation, on ne le dit pas. Vous êtes des deux peuples. Alors vous êtes pris, mal pris. Faire le choix, c'est déjà obliger les êtres de contrôle qui dirigent, qui gèrent le canal réincarnationnel à transporter ce canal ailleurs. Ça prendra le temps que ça prendra. Pas d'égrégore mental ou astral pour vous pluguer. On ne vous pleugera pas. Mais bâtissons-le, les Grégores. Bâtissons donc une nation. Petite, mais ça n'a aucune importance. Et là, on bâtit les Grégores où l'être de contrôle pour aller connecter le canal réincarnationnel. De ce fait, vous devenez totalement désassujetti de l'évolution conventionnelle, émotionnelle, souffrante, conne, humaine. Ce n'est pas le temps encore d'exploser, mais En ce qui me concerne, la souffrance est inhérente au blocage émotionnel et au manque d'intégration mémorielle. Oui, c'est ça. En ce qui me concerne, je suis normal. Faut-il souffrir jusqu'à une certaine maturité? Oui, jusqu'à temps que tu sois écœuré. Quel que soit l'âge, il me semble qu'il y aurait un moyen de maturer autrement que par la souffrance. Oui, si tu fais partie d'une race qui marche autrement. Pas si tu fais partie d'une race qui marche demain. Autrement que par la souffrance d'un enfant qui n'arrive pas à expulser ou à intégrer. Ça va de soi. Tu es quoi? Tu es les deux mélangés ensemble dans une race de mélangés. On doit faire un choix. Et ce choix ne pourra gagner en puissance que si d'autres font le même choix. Les autres intentionnalités de l'extra-création sont-ils, par exemple, les extraterrestres? Un extraterrestre, c'est un bonhomme, une bonne femme, une entité, un véhicule, une bébelle qui vit sur une autre planète. Alors, si ça vit sur Mars, c'est pas plus génial que nous, mais c'est extraterrestre. Et nous sommes extra-martiens. Sont-ils, par exemple, les extraterrestres? Pas extraterrestres, les extraterrestres. Ah, ils viennent nous espionner depuis 2000 ans. Ah, ben, ils savent même pas ce qu'on fait de bord, faut qu'ils viennent fouiller ici, mais je vous comment ils manipulent. En ont-ils le même cheminement que notre création? C'est-à-dire revenir au rien. Oui, ils vont revenir au point de départ, en se soudant à nous et en étant dirigés par nous. Je te cite et j'écris un petit roman. Page 1. Il y a de l'intelligence qui se fout de l'homme. Ça va de soi. Et quand je dis que ça se fout de l'homme, ça n'aime pas l'homme. Si, ça n'a pas, si vous n'êtes pas dans ses jambes, elle ne vous touche pas. Si vous êtes dans ses jambes, elle vous écrase. Comme les dieux. Il y a un principe d'amour sans intention. Si l'amour est intentionnel, ce n'est pas de l'amour. Donc, oui. Il y a une force luciférienne qui incite à sacrer son camp et une autre à rester. Oui, la satanéenne. Il y a des fiefs rusés, comme toi, qui expriment leur intelligence dans la matière. Et il y a l'humain qui, s'il n'est pas dans la merde, en mange pas mal en attendant. C'est un choix humain. Plus tu te conscientises, plus tu risques les problèmes. Maladie, chômeur, martyr, quoi d'autre? Bon, quoi d'autre, je ne répondrai pas pour l'instant. J'ai assez problématique comme ça. Pas de libre-arbitre, se faire ramasser par un être contrôle, des corps physiques, des pions pour exprimer l'événementiel. Oui, mutons, mais pas trop en cœur. Le 4-5% d'intelligence me semble caché bien loin. Non. Mais il faut regarder là où il est. Goûter à vivre vivant pour se sentir plus mort que vif le lendemain. Ça, c'est simplement parce que l'être humain s'est endormi entre les deux. Ne pas se prendre au sérieux, ouais, une chance qu'il y a le rire. Pas une chance, c'est intelligent. Continuez à faire ce que vous faites. C'est chiant, n'est-ce pas, quand je dis ça? Et aujourd'hui, déniaisez-vous. Ben oui, continuez à faire ce que vous faites. Et déniaisez-vous. Pourquoi des réponses comme ça? C'est bien, parce que ça oblige. À un moment donné, j'étais invité chez notre dame à une petite conférence. Et puis, il y a un bonhomme intelligent, génial, qui me pose une question. Et dans la formulation de cette question, il y a la réponse. Alors, je lui dis, je ne te réponds pas, tu connais la réponse. Alors là, il me dit, hey, M. Kem, je vous connais, je sais comment vous répondez, puis là, avec moi, ça ne marchera pas, ce genre de réponse. Alors, je lui ai donné de la marque, je l'ai engueulé. Je lui ai dit qu'il y avait de l'intelligence, qu'il était en train de s'en servir, puis que je n'étais pas le gars qui était pour venir lui ôter son intelligence en donnant des réponses qu'il connaissait. Ça a brossé. Il est fondu. Il a peut-être compris. Il y a énormément de réponses que je donne. Ce ne sont pas des réponses débarras. Qu'est-ce que je dois faire pour évoluer? Continue à faire ce que tu fais. La personne a vu que je dise quoi? Quand se mettre les doigts dans le nez? S'inscrire à tous mes cours? Faire ceci, faire cela, acheter tel livre, prendre ceci, boire telle boisson? Ça dépend des égos, ça dépend des corps physiques. Et surtout, on ne devient pas son seul maître. On a un maître. Ce ne sont pas des réponses débarras, ce sont des réponses que vous devriez vibrer, digérer, méditer. Une boîte du café, méditer dans la tasse. Et buvez-le. C'est simple. Oh, il répète encore la même question, la même réponse. Je ne la dis pas pour rien. Quand je dis « faites ce que vous faites », je dis en même temps souvent que l'homme ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Alors pourquoi j'irais me mêler d'une chose qui est parfaite? Parce que votre ego est frustré. Parce qu'il faudrait supporter l'ego. Ben, allez voir Mario Gosselin, c'est ta job. Ce type d'être-té existant dans l'extra-créationnalité semble se rapprocher des caractéristiques du nirvana. Est-il cela ou il y a-t-il une magistrale différence? Magistrale différente. Et comme la personne ne me demande pas de t'expliquer c'est quoi la différence, et juste pour le plaisir, la différence, hein, c'est que Nirvana est la copie mémorielle d'une chose. Et moi je parle de la chose, alors que les humains parlent de la copie. Si l'intention vient au dehors de la créationnalité, alors la liberté vient de là aussi. Ces deux phénomènes peuvent-ils être identifiés en dehors de la création? La définition vient-elle du passage de l'action à la réaction? La liberté vient nécessairement du dehors, mais sachons une chose, l'ajusteur de pensée est la copie la plus conforme, la plus parfaite des plans de l'intentionnalité, qui sont les sphères les plus proches et les plus en jonction avec l'extra-créationnalité. Seul l'homme a droit à un ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée peut plugger, connecter l'humain au plan astral, au plan supramental, au plan bouddhique, au plan divin. Il peut connecter l'homme au plan divin en passant par-dessus la supramentalité et le bouddhique. Il peut connecter l'homme au plan bouddhique en surpassant, en outrepassant le plan supramental. Il peut faire bien les choses. L'ajusteur de pensée est la conscience qui va habiter l'homme, et apprendre à la contrôler veut simplement dire digérer l'ajusteur de pensée pour que nous devenions des ajusteurs de pensée. Parce que nous devenons un ajusteur de pensée, nous avons accès, si la technique est bien employée, si on peut contrôler son ajusteur de pensée, à des réservoirs, à des récipients, à de l'énergie soit supramentale, à de l'énergie soit bouddhique, soit divine. Et de temps en temps, on a accès, si on a un corps physique suffisamment énergisé, à l'information qui provient de l'extra-créationnalité, mais elle n'est à peu près pas communicable. Si l'intention vient en dehors de la créationnalité, alors la liberté vient de là aussi, oui. Mais par le biais de l'ajusteur de pensée, l'homme peut devenir libre. Ces deux phénomènes peuvent-ils être identifiés en dehors de la création? Non. C'est leurs effets dans la création que nous appelons identification. La définition vient-elle du passage de l'action à la réaction? Si on veut conserver l'idée extra-créationnalité à la créationnalité, oui. L'intelligence est donc uniquement cosmique et tributaire de cause. Ça va de soi. Tous les « pourquoi » sont réactionnels. On ne peut donc pas dire pourquoi l'action ou pourquoi l'univers. Ça va de soi. Il n'y a pas de pourquoi. Connecté à l'extra-créationnalité, on sait. Ce n'est pas communicable. La gratuité est-elle toujours actionnelle? Toujours. Par quelle mécanicité? C'est intéressant, c'est mal écrit, puis on pourrait aussi lire par quelle méchanceté s'effectuera la dissolution des mondes des morts. Quelles en seront les conséquences au niveau planétaire et cosmique? Ici, un mathématicien est en train de découvrir qu'il n'y a jamais eu de Big Bang, mais que l'univers s'est créé en boucle et que le temps ne s'arrête pas à l'univers ni au cosmos, mais va au-delà. N'est-ce pas l'involution et l'expansion de la conscience qui ont vu l'apparente explosion et implosion de l'univers? La création a-t-elle vraiment été... En tout cas, ou si elle n'a pas simplement eu lieu dans la conscience? Le mathématicien, ce qu'il est en train de calculer présentement, c'est la formation des loupes de notre univers, et non pas de la création. Il n'a aucune idée. Le Big Bang, ça provient des races aryennes, les démons. Elle a été par la suite amenée au niveau de l'hindouisme et elle a été prise par Albert Einstein, qui fuyait dans certains livres, et qui l'a réamenée à la surface. Par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une expansion universelle, que moi, je dis que ce n'est pas une expansion matérielle, mais une expansion temporelle, et nécessairement, on se rapproche de l'idée même de la boucle. Quand on parle d'implosion, explosion, et j'ai dit souvent qu'en réalité, c'est le temps qui se courbait, alors on a deux galaxies, par exemple, qui sont proches l'une de l'autre, le temps, l'espace-temps se courbe, et la lumière suivant l'espace-temps, on détermine la distance à partir du temps appris par la lumière à parcourir une distance. Plus l'espace-temps se courbe, plus notre visuel est long, et plus on pense que les galaxies sont loin. Et je l'ai de temps en temps expliqué en conférence. Quand on parle de Big Bang, c'est en association avec les hautes sciences d'aujourd'hui. Dans la réalité des choses, l'univers n'a jamais bougé. Il n'était pas, il est, il ne sera pas. On parle de résorption de la courbure spatio-temporelle qui va faire en sorte que toutes les choses seront finalement imbriquées telles qu'elles le sont, mais qu'on ne peut pas voir. Or, à un moment donné, on pourra revenir sur ces choses-là quand on aura des questions plus poussées. Notre mathématicien est en train de découvrir la structure gestionnelle de notre univers. Alors, lentement, il pourra inclure dans ses mathématiques l'idée même de l'hyperespace, qui est un cheminement différent entre une courbure de temps. Au lieu de suivre comme ça, puis on passe de même. Bon, alors on revient aux deux questions. Trois questions. Par quelle méchanceté s'effectuera la dissolution du monde des morts? Par quelle mécanicité? Je l'ai expliqué souvent. Je réexplique un petit peu. Notre ego, lentement, va être dissous par un contact ajusté avec un plan supramental qui va venir fractionner l'ego dans l'âme de l'homme. L'ego fractionné dans l'âme de l'homme devient de l'énergie vitale qui vient épaissir le périsprit. Ce périsprit, par mutation, lorsqu'il n'y aura plus d'ego, deviendra ce que nous appellerons le séraphin, un corps séraphique. Le corps séraphique créé à l'extérieur de l'âme est le dôme éthérique de l'âme. Le dôme éthérique de l'âme, lorsqu'il sera suffisamment constitué et lorsqu'il n'y aura plus d'ego dans l'homme, va lentement se rapprocher de l'homme et il y aura une fusion totale entre le corps atomique de l'âme et le corps éthérique de son double. La fusion totale engendrera un corps matériel éthérique, un corps atomique éthérique, qui permettra à l'homme d'avoir une densité matérielle extrêmement imposante ou d'avoir une fluidité éthérique extrêmement intéressante. Ça permettra à l'homme d'avoir des bilocations au niveau de la conscience, ainsi que des plurilocations au niveau du corps physique. Lorsque cela sera fait, le faisceau qui s'exprime à l'intérieur de ce corps physique va avertir les êtres contrôles réincarnationnels de ceux qui vivent du même faisceau, et chaque fois que l'être humain du même faisceau va mourir, il ne gagnera pas le monde de la mort, mais sera attiré par la lumière zobétérique de celui qui est vivant et sera digéré par celui qui est vivant. Alors ceux qui mourront par la suite se réincarneront immédiatement à travers la conscience fusionnelle de celui qui est éthérifié. Lentement, les êtres humains qui viennent au monde sur le plan planétaire, le monde de la mort se vide donc dans la naissance des êtres humains, et ceux qui meurent ne gagnent pas le monde de la mort, ne peuvent pas le nourrir. Vont donc être immédiatement absorbés par celui qui vit de l'éthérique. En d'autres choses, chaque personne qui est en contact avec le monde de la mort de son vivant, nourrissant le monde de la mort par le canal réincarnationnel ajusté par les êtres contrôle, va voir une mutation au niveau de ce canal, c'est-à-dire que, étant donné que l'être humain, au fur et à mesure de son évolution, aura droit à un ajusteur de pensée collectif, qui premièrement sera l'être fusionné, qui leur servira d'ajusteur de pensée collectif, lentement, ces êtres humains auront une tendance à ne plus nourrir le monde de la mort, parce que celui qui aura un contact éthérique fusionnel avec les individus du même faisceau que lui, c'est lui-même qui supportera les phénomènes émotifs exprimés par les humains qui vivront. De ce fait, il fera comme un Nazaréen, il supportera le poids des péchés de son monde. Une fois que cela sera fait, une fois que les êtres humains sur le plan de la vie auront été réintégrés dans leur mortalité par celui qui est en train de vivre la fusion, par celui qui est fusionné, ainsi que par d'autres personnes, il y aura approximativement 12 000 individus d'un même faisceau qui pourront vivre en même temps dans le même contexte planétaire, dans le même contexte temporel, qui vont réincarner, qui vont donc digérer les gens qui vont mourir. Lorsque cela sera fait, certaines de ces personnes-là vont gagner le monde de la mort, c'est-à-dire qu'en réalité, ils resteront vivants, mais étant donné qu'ils auront instruit, démoli le monde de la mort, ils seront des tueurs d'âmes, réintégrateurs d'âmes, ils permettront une baisse vibratoire du monde de la mort, ce qui va faire en sorte que la couche énergétique du monde de la mort va diminuer de plus en plus. Autre chose, étant donné que l'être humain a tellement dynamisé le monde de la mort, lentement la pression interne dans ce monde de la mort est telle qu'une implosion va survenir dans pas grand temps. Et cette implosion va faire en sorte qu'immensément de particules du monde de la mort va se réincarner à travers des enfants et à travers les êtres humains qui vivent déjà. Est tellement digérée du point de vue vital. La partie qui empêche le monde de la mort d'imploser vers la planète Terre est tellement en train de se digérer par le système de têtage d'énergie vitale, en l'occurrence, la pollution qui oblige le plan belzébutien planétaire à renourrir la matière de façon à ce qu'il ne s'atarisse pas trop. Une implosion va survenir, projetant du monde de la mort la majorité, disons presque les trois quarts de la conscience astrale à travers les consciences des habitants qui vivent déjà sur le plan planétaire, ce qui va amener une perturbation, une catastrophe astrale planétaire et qui va amener l'humain au désespoir total, à des guerres, à des luttes, à des peurs, à des hantises, etc., etc., etc. L'être humain sera manipulable et manipulé comme il ne l'a jamais été. C'est pourquoi l'être humain doit se réveiller. Ça va se faire, on est en 88, ça va se faire d'ici les 10 prochaines années, ouais, ça va commencer. Cette implosion massive du monde de la mort dans la conscience de l'homme. Cela va faire en sorte que l'homme va devenir un vrai humain. Ouais. Pas progresser les animaux, là. Un vrai humain. Il va se massacrer lui-même, il va s'entretuer, il va se suicider, il va s'haïr, il va s'amuser, quoi. Il va se distraire. Bon. Cela va déjà diminuer une grande partie du monde de la mort. Les êtres en fusion qui seront à cette époque vont en absorber une grande partie. Étant donné que la sphère qui protège le monde de la mort des contacts planétaires sera plus ou moins détruite, altérée, trouée, perméable, ceux qui mourront à partir de ces moments donnés-là ne resteront pas longtemps dans le monde de la mort, ils seront rejetés. Ceux qui mourront et qui auront un faisceau déjà supporté par un être fusionné sur le plan planétaire l'intégreront lui-même. Et à travers l'évolution de notre planète, lentement le monde de la mort sera totalement désintégré par les êtres en fusion. Et par la prolifération réincarnationnelle immédiate dans le temps planétaire, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, le monde de la mort sera tellement petit que la majorité des mémoires expérientielles de l'être humain qui va mourir n'aura pas de place en affinité vibratoire dans le monde de la mort. Alors elle sera obligée de se réincarner dans n'importe quel être humain qui a une affinité vibratoire au niveau de la conscience astrale ou mentale avec la mémoire réincarnationnelle de la personne qui vient de mourir. Donc après une trente-quarantaine d'années, le monde de la mort sera tellement dilué, tellement subtil, tellement dissous, que finalement, les êtres humains qui vont mourir ne pourront pas être conservés. Tous les dieux seront détruits, tous les égrégores auront été démolis, alors il n'y aura pas de place particulière, et les êtres humains qui vivent vont les réincarner facilement, parce que le monde de la mort ne sera plus une contrainte au niveau des mémoires réincarnationnelles. Le monde de la mort ne pourra plus conserver, selon sa volonté ou celle des êtres de contrôle, les mémoires réincarnationnelles des personnes qui meurent. De ce fait, les personnes qui meurent ne meurent pas, mais elles vont simplement changer de corps de plus en plus rapidement, jusqu'au jour où ces 12 faisceaux, plus ou moins éparpillés à travers 12 000 individus par faisceau, ces 144 000 individus, on peut toujours additionner les 853 êtres humains qui vont supporter le faisceau lazarien pendant un laps de temps, vont être les personnes qui vont supporter dans leur corps, dans leur corps vital, la totalité du monde de la mort. Quelles en seront les conséquences au niveau planétaire et cosmique? Naissance de la race neuve, naissance de la race bleue, du point de vue de l'ésotérisme, du point de vue cosmique, contact avec les mécanicités extraterrestres, rencontre du troisième type, même rencontre du 62e type. Vous savez, je joue aux échecs avec un extraterrestre. Alors, bon, en ce qui concerne Orion, Orion, c'est une étoile. Premièrement, c'est un soleil. Bon, il y a des choses sur Orion. Je vais dire ce que je vais dire, et puis ne soyez pas de vos égos de ne pas être frustrés. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour l'instant, parce qu'effectivement, il y a un personnage qui provient d'Orion. Je fais un travail au Québec, planétaire. Et il y a des choses qu'on ne doit pas dire, parce que de façon à ne pas trop altérer la problématique du travail. Orion est un soleil aussi majestueux que notre soleil du point de vue de l'énergie qu'il peut dégager. Sur Orion, c'est intéressant. Il y a des planètes qui tournent autour de ce soleil, et sur ces planètes, il y a des particularités mémorielles qui ressemblent énormément aux particularités de notre planète. Et il y a des échanges entre Orion et, on pourrait dire, Occident. Des échanges, orientales et occidentales. Je vais revenir parce qu'il y a des choses que je dois ajuster de façon à ne pas ternir le travail qui est fait par ce personnage. La personne qui pose la question, elle n'aura qu'à récidiver. Soit une conférence du vendredi, soit la prochaine conférence spéciale, et puis qu'elle en mette plein la gueule, qu'elle en mette des papiers là, puis on va répondre. Bon, les écrits cachés dans le trésor des Templiers, ça dérange pas qu'on en parle. C'est intéressant. La grande partie de ce qui va être donné en ce qui concerne le phénomène des Templiers est une partie astralisée qui permet à l'être humain de ne pas oublier ces choses, de ne pas oublier que l'heure du temple a existé, de ne pas oublier que les chemins éthériques, vitaux et matériels existent. Donc, ce sont des leurs astrales qui font en sorte que l'être humain va en parler. En parlant à travers les générations, lentement, les messages vont être communiqués. Et lorsqu'une oreille éthérique aura écouté, il comprendra les sous-jacents de la communication. Dans cette structure cachée, dans ces informations cachées, il y a tout ce que... Il y a une grande partie d'un avenir prévu qui fait référence à un monarque, à un grand monarque, à un monarque unique planétaire, à une monarchie, aux conséquences des rébellions qui auront lieu lors de l'instauration de cette monarchie. Il y a aussi l'explication de forces qui serviront certains êtres humains pour pouvoir lutter en fonction d'établir une monarchie. Il y a énormément de documentation écrite sur le grand monarque, sur sa provenance, sur sa prestance, sur la façon dont sera géré son gouvernement planétaire. Il y a aussi dans ses cachettes des symboles qui sont endoformiquement attractif de grandes puissances telluriques enfermées ailleurs. Ce sont des clés, en l'occurrence des bagues, qui, lorsque portées par un homme en ajustement vibratoire avec l'onde de forme, permet à celui-ci de contrôler. Il y a une canne, une immense canne, qu'un jour un homme puissant portera et il contrôlera aux énergies belzébutiennes. Il déterminera où il pleuvra, où la terre tremblera, où les choses naîtront. Vous savez, l'être humain a extrêmement peur de la pollution. Ben, il fait bien d'avoir peur de la pollution parce que la pollution, ben, c'est quelque chose qui pollue. Hein? Et on parle de l'apocalypse, on parle de la guerre mondiale. La pollution, c'est l'une des grandes parties cachées de l'apocalypse. Il suffit de contrôler un petit peu la matière pour transformer un Sahara en jardin. Alors, les solutions après la problématique seront faciles. Dans ces trésors, il y a des choses qui permettraient à l'homme, qui vont permettre à certains humains de transformer la planète. Ce trésor sera découvert quand? C'est une bonne question. En tout cas, il sera redécouvert dans 50 ans. Ça, c'est certain. Alors voilà pour cette partie cachée. Il y a encore des petites choses qu'on doit attendre. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de ma faute, mais il faut attendre le temps. Il y a des personnes cet été qui risquent d'aller fouiner dans les coins du tchic-tchac. Alors autant laisser les individus marcher avec leur propre énergie, plutôt que leur donner trop d'informations qui pourraient colorer leur visualisation vitale. Mais sachez une chose, c'est que tout se peut. C'est pas une répétition, c'est une chose qui est vraie. En attendant, on se déniaise. On médite pour faire un choix. Tenez-vous encore un petit peu de temps. Mais lorsque vous aurez choisi, je vais en reparler de comment on cristallise un choix. Et lorsque vous aurez choisi, bien, vous devrez vous arranger pour le planter dans la matière. Et ne respirer, ne vivre que par cela. Oui. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec Lazare? Avec? Lazare. Ce n'est pas recommandé. Surtout par lui. Est-ce que le mur que tu parlais hier, là, le fameux mur d'intelligence, le mur d'acier, là, quand tu es rendu là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu veux juste t'écraser puis attendre? T'attends. T'écrases pas, mais t'attends. C'est ça que tu parles de... Tu continues à faire ce que tu fais. OK. Alors, bonne semaine. On se revoit la prochaine fois.